Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. Alors ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous depuis plusieurs décennies dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord au 418-347-5103. Monsieur Justin Tremblay et toute son équipe souhaitent bonne chance à l'organisation de Milo en rodéo et invitent la population à participer aux activités. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 16 où on va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant qu'hier dans la section entrevue de danraisosport.com, on a parlé avec Jérémy Fortin qui est de Dolbeau-Mistassini, qui sera sa deuxième saison avec les Saguenay de Chicoutimi, et il avoue dans un premier temps qu'il est moins nerveux à l'aube de son deuxième camp d'entraînement. Je pense que le stress de moins, oui. Okay. Mais j'ai pas changé ma mentalité. Je vais arriver avec... j'ai rien à perdre. Là, je vais arriver là et je vais prouver que j'ai encore ma place. Le hockey, il faut toujours que tu te prouves à chaque pratique, à chaque match. Ma place, je pense pas qu'elle soit acquise. Mais c'est à moi de la garder, c'est à moi d'arriver prêt. Je vais avec la même mentalité que je suis arrivé l'an dernier. Dans un deuxième temps, Jérémy Fortin va avoir un rôle encore, le même rôle que l'an dernier, joueur de troisième trio, très bon sur les mises au jeu et provoquer l'adversaire. C'est ce qu'il vise encore cette année. Ouais, ben c'est ça. Moi, je veux garder ma chance que j'avais l'an dernier. Là, je veux être un spécialiste des mises en jeu, puis jouer à des avantages numériques, puis jouer physique, puis déranger l'adversaire. Je veux maintenir à mon rôle. Puis... Parlons maintenant de Balmol. La Ligue de Balmol de Dolbeau-Mistassini est en fin de saison. Il y avait des matchs hier. Sport Expert qui a défait Metro 27-16 et Coors Light qui a battu mais le Météor 17-7. Maintenant, le multiconseillère de Dolbeau-Mistassini qui a annoncé hier que Gérald Leclerc sera de retour derrière le banc de l'équipe la saison prochaine. Gérald Leclerc qui avait permis aux multiconseillères de se rendre en finale et ils ont perdu en 7 matchs contre Charlevoix. Maintenant, les mardis cyclistes de la Chine se sont terminés mardi et l'Almatois Eliott Doyle a très très bien fait lors de cette compétition. Il a pris la deuxième position. Je vous invite à écouter la section entrevue de danraisosport.com. Hier, on a parlé avec Raphaël Gladue qui est dans l'organisation des Mets de New York. Également, je me suis entretenu avec Jérémy Fortin, natif de Dolbeau-Mistassini qui va entamer sa deuxième saison avec les Saguenayens. Le sport local et régional à danraisosport.com. On s'en occupe.